Tunalamukia kanisa yote mungina la Yesu Kristo. Nous saluons l'église dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus Christ. Ndugu yangu mtumishi wa Mungu tuko natumika naye kwa mpande. Mon frère serviteur de Dieu avec qui on travaille. Banduku bote ba kwa mpande bari milamukia mwe bote mungina la Yesu Kristo. Tous les frères de Pande vous ont salué au nom de Jésus Christ. Bila kukawia tutashimama juu ya kusoma neno ya Mungu. Sans tarder nous nous levons pour lire la parole de Dieu. Tuko na soma mu Matthieu chapitre 16. Matayo kuminasita. Na tuko na njia mu verset 17. Nous commençons dans son verset 17. Tanje paka mu verset 6. Dans son verset 6. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Simon Pierre toi comme dit, ou en Christ, mwana wa Mungu mwenye kuwa hai. Jésus prena la parole, lui dit, tu es erré Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Yesu akabatani no kombe osima ukwae ni Simoni mwana Jonas kwa nena maina damu tunuia ile. Mais c'est mon père qui est dans les cieux. Lakini ni baba yangu mwenye kwa mbingu. Et moi je te dis que tu es Pierre. Na mie nuna kombe okomba uko Petro. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Na yulu ya imuamba tajenga kanisa langu. Et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Na mina je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Tutainamisha vichwa. Nous inclinons nos têtes. Na mupendwa wetu Frère Joseph tutaombea Mungu. Frère Joseph va prier pour nous. Bwana mfalme na mkozi Yesu Kristo. Seigneur roi Jésus Christ. Turi ona tangia busubuhi Seigneur. Nous avons vu que depuis le matin. Il y a des frères et des sœurs qui ont pris beaucoup de leur temps pour t'ouvrir leur vie, mettre à nu leur cœur. C'est nous qui parlons pendant notre prière. Maintenant, nous avons besoin de, que toi tu puisses parler. C'est pourquoi nous recommandons ton serviteur entre tes mains. Et nous tous qui écoutons, tu peux nous mettre sous le même esprit. Et les frères et les sœurs internet vont suivre à partir de l'internet. Fais en sorte que ce ne soit pas un homme qui parle, mais toi, à travers ton esprit, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises, parle, et donne-nous la capacité d'écouter tout pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bwana Mungu amibariki sana. Na tunamitakia usikilivu mwema. Na wale wote wanaweza kutufuata kwa njia ya mtandao. Tuko na tungo yetu inaitwa notre sujet est sur cette pierre je bâtirai mon église. Ni Yesu Kristo yeye mwenyewe anasema. C'est Jésus lui-même. Mimi mwenyewe mitajenga kanisa yulu ya imwamba. Je bâtirai mon église. Na aina yulu ya ribwe. Ce n'est pas sur le mais ni yulu ya ufunulo. Mais lakini c'est sur la révélation. Alors njo alimwambia Pierre asema huko mtu wa heri. A Pierre que tu es un homme. Tu aina mtu anakufunulia hii maneno. Parce que ce n'est pas un homme qui t'a révélé na, cela. Avec vous, nous avons mon Matthieu chapitre 11 verset 25. Dans Matthieu 11 verset Jésus 25. Jésus anasema ninakusifu baba. Jésus dit je te loue père. Ulipenda imaneno ikuye hivi. Parce que tu l'as voulu ainsi. Ulifutika ku bantu ba akili sana. Tu as caché aux âges. Bantu banene. Mais ulipenda kufunua imaneno ku watoto kidogo. Le révéler à tes enfants. Unasema ndio baba. Tu as dit oui. Jo vile Yesu Kristo alisema. C'est comme ça que Jésus. Jo vile mapenzi yako ilikuya. C'est ça ta volonté, si ces paroles, les grands hommes, les physiciens qui ont des responsabilités de ya kutambua kile Yesu weko au kujua mujumbe na wakati yayo bantu ba mingi baripasha kuamini me ni mambo ile Mungu alisha futika kubantu ba ekima me anaifunua kwenu nini watoto wachanga bantu ba shipo wata kujulikana c'était la volonté de Dieu aina shie tulitafu ce n'est pas nous qui avions aimé. Nous n'avons pas aimé. Mais lui-même a voulu se révéler. Et à cause de ça, que le nom du Seigneur soit loué. Nous avions écouté. Et le mot est dit. Les gens sortis des. Ils sont différents des autres. Tels qu'Israël. Tant qu'Israël. Tant qu'ils étaient encore en Égypte, c'était le peuple, peuple de Dieu. Mais pas les banatoka mon Égypte. C'est alors qu'ils sont devenus Égypte de Dieu. C'est pareil. Wakati turikuya mudunia. Lorsque nous étions dans le monde, nous n'étions pas encore. Lorsque Jésus nous a appelé, nous avons cru. C'est à ces moments-là que nous sommes devenus l'Église de Dieu. C'est là que nous devons nous conformer à la volonté de Dieu. Amen. L'Église. Kanisa. Telle que nous l'avions dit hier. Mambo ya Abraham na Lot. Au sujet d'Abraham. Lorsque Abraham habitait encore dans le pays. Dans le pays de Chaldée. Dieu lui a demandé de quitter son pays. Dans votre famille. Marcher avec Dieu. Et entendre. Dans le message, toi tu sais là, et on a mis New York. Il a prêché à New York. Le 3, le 3, 10, 1951. Octobre 1961. Il dit ceci. Quel est-tu peu parfait du Saint-Esprit? Quand nous sortons du monde, wakati tunatoka mdunia. Semane mufano gani ya Roho Mtakatifu wakati tunatoka mdunia. Nous avons traversé le sang rouge de Jésus-Christ. Tambuka damu ya mkunde ya Bwana Yesu Kristo. Tant que toutes les habitudes de fumer des cigarettes. Wakati yote mazoezo ya kufuta tumbaku. Les habitudes de chiquer. Mazoezo ya kutambua. Les habitudes de boire. Ya kunya pombe. Les habitudes de mentir. Ya kulanda. Les habitudes de voler. Mazoezo ya kuiba. Cela est tendu derrière nous. Ile yote inakuwa ku mkongo yetu. Nous commençons à chanter. Na tunaanza kuimba. Et à louer Dieu. Na kumsifu Mungu. Allons-nous faire ça, suivre Ufata. Toi pour des suspensions. Ah, tous ces cinémas, ces soirées dansantes, des grands moments de fête. Lorsque nous avions quitté, alléluia, amen. Turitambuka, nous avons traversé, et c'est par le sang de Jésus-Christ qu'on passait. Nous étions lavés par le sang rouge de Jésus-Christ. Afin d'abandonner toutes ces habitudes, de fumer. Prendre l'alcool, l'adultère, et faire tout ce qui est contraire à la sainte doctrine, nous avons régné à ça. Bintu byote bya dunia tulikatala. Nous avons refusé. Na tout est dit chikaka. Nous n'accepterons. Mon maisha yetu tutakatala. Dans notre vie, ata bantu bana changer maubiri. Même si les gens changent. Kusema kama tunakunua chiloko. Si nous buvons un peu, il y a pas de problème. Mtoto wa Mungu akushukunua keye. Un enfant de Dieu ne prend pas. Mtoto wa Mungu ni mtakatifu wa Mungu. Un enfant de Dieu, c'est un saint de Dieu. Amen. Amen. mutoto wa Mungu. Un enfant de Dieu ne peut quoi. Pas marcher face au yote tel que nous l'avions lu dans Ephésiens 4, 17. La Bible dit, nous ne devons pas marcher sans battre à Mdounia, puisque nous sommes un peuple à part. Taïfa yenye kutiwa pembeni. Un peuple mis à part. Même le jour de notre fête de mariage, nous ne pouvons pas faire les choses en dehors de la parole. Nous devons faire les choses conformément à la parole. Amen. Amen. Mais il au mariage. J'avais participé à un mariage. Et ce que j'avais vu, ce n'était pas correct. Des soirées dansantes. Ma fête a bouché. Nous allons aux fêtes de soirée. Soirée dansantes. Danser d'une manière correcte. Faites des choses d'une manière digne. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Quand tu es un peuple séparé. Tu es un peuple saint. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Vous êtes un peuple saint. Même notre façon de nous habiller, notre façon de nous ordonner, même les tressages, c'est un grand problème. Mambo, aujourd'hui, dans l'église, on ne veut plus voir encore des rastas. Amen. Amen. Il y a des mains qui traînent. Tu es encore païenne. Tu as des boucles d'oreilles. Même si les autres acceptent là, mais moi j'aimerais vous dire ni kiduni aile. Quand tu es paramètre, n'amenez pas ses habitudes dans l'église du Dieu vivant. Mukuye banamu ki batakatifu. Ne mettez pas bien quoi ingézengéza kuchicho. Les histoires artificielles. Non frère. Non. Non ma sœur. Panadada. Aujourd'hui, nous voyons le paganisme nous suivre même dans l'église. Jadis, on voyait des vins de vétusiens. Je vais vous montrer au visage. Même aujourd'hui. Ça, ça Léo. Même aujourd'hui. Léo, I, même les sœurs. Nabadada. Banabeba poudre. Elles ont pris la poudre. C'est maquillé. Le visage. Au point d'apparaître comme des vins. Nous apparaissons dans l'église, c'est pas possible ces choses. Mettez la poudre, ça va vous aider de dégager bon odeur, mais ne sois pas comme un devin. Amen. Amen. Laissez ces choses ça au monde. Ma fête est à Bouchikou. Tous ces cinémas, ces soirées dansantes. Il est ma cinéma. Des grands moments de fête. Moi, quand il m'en a fait. Des cols qui étaient en clip et tout. Naïve fatal. Ne croyez-vous pas en cela? Mouchamine Moubile. Alléluia. Amen. Je crois quand vous traversez le sang de Christ, cela vous sanctifie. Il est dame, il est et vous sépare des choses du monde. Jésus a dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Vous ne pouvez pas mélanger l'huile et l'eau. Absolument pas. Vous ne pouvez pas mélanger le christianisme avec le monde, cela vous sépare. Vous ne pouvez pas mélanger la mondanité et la chrétienté. Vous ne devez plus marcher comme les païens. À moins que tu ne sois pas païen. À moins que vous ne soyez pas païen. Tu ne peux pas faire des choses comme des païens. Ni wakati ujumbe tu itikai tu préparer. C'est ça le moment que devons accepter les messages. Tu touches maskori yote. De faire sortir toutes ces impuretés afin que nous puissions accepter. Si aujourd'hui nous disons que dans cette église, nous disons que nous faisons un peu un nous récréer un peu. Notre berger Ngoindaya autorise à ce que qu'on vous accorde 2 mois de vous maquiller, mettre des ongles et faire presser les cheveux et mettre le cabelo, les cheveux artificiels. Ceux qui vont refuser de mettre, ce sont des chrétiens authentiques, les non-croyants, elles diront que Njobati accepte ou pas, il n'est pas. Ce qui nous rend différents de tout le monde, c'est lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous la mettons en pratique. C'est là qu'il y a la différence entre nous et d'autres églises. Puisque nous sommes un peuple à part. Ça va boucher tout à l'heure, tu as pembé. Il dit, nous avons traversé. C'est comme Israël. Ils sont Israël. Lorsqu'ils ont quitté Israël, Égypte, aller dans le pays de la mer, ils sont arrivés devant la mer. Et la mer a signifié le sang de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'ils sont arrivés, Dieu les a fait traverser de l'autre côté. Et lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, leurs ennemis suivaient. Au moment où ils n'avaient Israël pas encore traversé, lorsque Israël est arrivé devant la mer rouge, voyant que derrière il y avait Israël, ils venaient, Israël, Moïse, pas nous t'avons dit, laisse-nous mourir devant l'Égypte. Les gens aiment mourir comme esclaves. Nous t'avons dit, Moïse les avait dit, arrêtez de parler. Dieu lui a dit, Dieu a dit à Moïse, étends ta main. Mon frère, le Dieu que nous voyons dans la marche, ma difficulté, les difficultés, ma opposition, les oppositions, mais le Dieu qui nous a fait sortir du monde, nous a amené à sa parole, il a aussi le pouvoir de nous faire arriver. Est-ce que vous il est capable. Et qu'on a eu Ouesso. Namungu. Et Dieu. Mungu est Abraham a remis dans ses Jéhovah Jireh. Abraham lui a appelé Jéhovah Jireh. Mungu est qu'on a pourvoir. Notre Dieu il pourvoit. Là où il y a rien. Lui il peut créer. Là où il y a pas de ponts. Lui il peut tracer les ponts. Et la mer est devenue à sec. Israël a traversé sur la mer. À sec, il a traversé jusque de l'autre côté et Dieu a dit à Moïse, étant encore bâton sur le mât, il a fait cela et le zoo s'est refermé et tous son ennemi, ils sont décédés dans l'eau. Amen. Et ils ont mis leur ventre. Moïse, Myriam, Myriam avec le peuple d'Israël. Lorsqu'ils ont vu ce que Dieu a fait, ils ont pris des tambourins pour chanter. Lorsque Dieu vous guérit, lorsque Dieu vous guérit, toi-même tu verras comment est-ce que les adultes sont tombés. Est-ce que vous acceptez cela? Tu verras les démons d'adultère qui te poursuivent. Tu verras comment ça va te sortir. Et tu témoigneras en disant Dieu merci. Des fois, les démons meurent aussi. Que Dieu nous aide. Le Dieu en qui nous croyons a un c'est un Dieu réel. C'est un Dieu qui agit. Et qu'on attend dans l'éo. Il est le même hier. Aujourd'hui, éternellement. Il ne changera jamais. Les adversaires sont décédés et toi aussi. Si tu as accepté et tu as traversé dans le sang de Jésus qui t'a lavé véritablement, toi-même tu verras tes adversaires mourir derrière toi. Tu verras la chrétienté et toi-même tu sauras que je suis chrétien. Ça vous nous onjo. Je suis venu de vous faire un peu de bonheur. Anaendelea. Il continue. Aweze kuchanga bya Mungu. Tu ne peux pas mélanger la chrétienté. Mungu atusaidie frère. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie ma sœur. Que Dieu nous aide ma sœur. Mungu aweze kutuacha tuko na fuanyanga. Dieu ne peut pas nous laisser en train de faire n'importe quoi. Les gens aujourd'hui. Batu leo. Cherche ce qui mélange. Bien tafuta muchango. Bantu bako na tafuta bya muchango. Les gens cherchent du mélange. Bya kuchanga. Le mélange. Bon, c'est comme ça les gens. Je voulais battre. Viens à dire. C'est par moi, Paul et Barnabas. On est ko Paulo na Barnabas. Le Saint-Esprit nous sépare des choses du monde. Rome takatif, ina kwa kutuachanisha na bitu wa dunia. Et de tout quoi pamoya. Sommes-nous ensemble. Rome takatif ya Mungu. Le Saint-Esprit de Dieu. Ikona kuya kutuachanisha. Nous séparer. Soit qu'on tout enganisha na bitu nous séparer avec les choses oui. Du monde. Ala endele. Il continue. Bwana Mungu amibariki. Que Dieu bénisse. Mungu. Dieu. Anatuma roho yake. Il a envoyé son esprit. Juu ya kutu tenganisha na bitu. Nous séparer avec les choses du monde. C'est pourquoi mon frère ma sœur. Komana nduku dada. Christ ni maisha. La chrétienté c'est une vie. Christ haina kusema la chrétienté ce n'est pas prononcer c'est pas la bouche. Un chrétien. Comme on a toka ta hapa. Lorsqu'il quitte Kamou. Aller à Lubumbashi. Ataji asema mkinywa. Il n'a pas encore prononcé cela avec sa bouche. Amen. Bantu bataona comportement yavu. Verront le comportement. Même si tu veux aller à l'église, les gens diront que notre église est là. Vas-y là-bas. Et toi-même, tu verras les gens. Ils te diront. Tu verras que ce sont des chrétiens. Si ce sont des faux chrétiens, Dieu nous a donné le pouvoir de discerner les choses. Notre vie parle plus haut puisque c'est que nous prononçons dans la bouche. C'est la vérité. Mais les gens aiment le mélange. Nous sommes un peuple appelé. Si et tout taifa un peuple à part. Taifa yaka pembe. Le Seigneur. Dieu a bwana. Jomana ya kanisa. C'est ça même la signification de l'église. Ni bantu benye kutwa inje. Ce sont des hommes appelés. Les hommes rendus différents par leur vie, par leur façon d'agir, leur façon de parler, leur façon de marcher. Ce sont les gens qui aiment les enfants de Dieu. Ils aiment tout le monde. Qui honorent tout le monde. Qui honorent presque tout le monde. Et ils ne sont pas les tribalistes. Aujourd'hui, ça nous étonne. Mwanzo abikwe vile. Je vous dis, bien-aimés, au début de la foi, lorsque nous étions encore jeunes, dans l'église, il n'y avait pas de patron. Les patrons, il y en avait la kine, c'était des patrons humbles de prier. Les hommes abordables. Amen. Mais aujourd'hui, Léoï, c'est autre chose. Il y a encore des mambos. Pourquoi ça? Dieu anime. C'est par manque de la nouvelle naissance. Ça, vous allez comment la pire. Amen. Léo frère. Aujourd'hui, même dans l'église tabernacle. Ata mukanisa tabernacle. C'est pourquoi tu as namé hier, je m'en vais. Le problème, c'est les paroles. Tabernacle, les tabernacles. Où les colas au colabantu. Celui qui sauve c'est les gens. Jésus-Christ. Moi, na Jésus-Christ. Mon tabernacle, mon colabantu. Mon tabernacle, il y a aussi des menteurs. C'est comme si c'est la vérité. Nous quoi? Léo frère. Aujourd'hui. Comme ma frère. Si un frère, ça c'était pas ainsi aujourd'hui. Mais permettez-moi de vous dire ceci. Que je puisse parler. Ce qu'on voyait, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Seulement ici, frère, dans l'église, un frère organise une fête. Ce que j'ai dit, c'est vraiment grave. Bon, ça va, mais t'as invité Bantu. Il dit, il veut inviter les gens. Même ce n'est pas ici à Kambo. Il n'y a pas Koko. Franchiote. Partout. Ni esprit. Ni ro. Montoua teka là. Quelqu'un. Ananza kouaz. Va se mettre en train de raisonner. Qui je vais inviter. Je vais appeler un tel. Fonite Fulani. Fulani. Fonite Fulani. Fulani. Tel. Fulani. Tel. Et qu'on a ita paka Bantu Batuma moyen. Les gens qui ont un peu de moyens. C'est quand vous dites c'est la vérité. Et c'est ce que nous voyons. et les gens qui vont appeler, ils vont organiser la fête avec des véhicules qui seront là. Seront, vont arriver. Les gens qu'il a invités, ce sont des gens qui n'ont même pas faim. Et pourtant, dans l'église, il y a des gens qui manquent de choses. Il ne peut pas inviter ces gens-là. Il préfère inviter les gens qui ont des moyens. C'est un défaut. Il est naoshini makosa. Accepter, vouloir ou pas, c'est la parole. C'est la vérité. Je vous dis la vérité, c'est ce que nous voyons. Maintenant, les gens qu'il a appelés, ils sont rassasiés au départ. Ils ont déjà beaucoup de graisse. Il a tout chez lui. Et lui, il a préparé beaucoup de choses. Écoutez en profondeur ce que je vous dis. Écoutez des fois, tel que le Mitoumé est. Écoutez, c'est mauvais dans l'église de Dieu. Et lorsqu'on a invité, les invités là, fluqués, il y a des sucrés, il y a de viande, bitu à ville et ville. Que Dieu nous aide à quitter dans le tribalisme, dans l'acception des gens. C'est la vérité. Vouloir ou pas, même le peu, ça va s'attacher, même un tout petit peu, ça va s'attacher dans ton cœur. Les gens qu'on a invités, ce sont des gens rassasiés déjà. Il prend seulement un petit sachet de maïs sauté. Et quand il va grignoter un peu, avec un peu d'eau, c'est fini. Les viandes qu'on a préparées, les poules, et le reste, ça va rester là. Et après la fête, ils vont prendre ces mains de l'eau. Ils sont rassasiés à la maison. Et le nourriture. C'est alors que vous commencez à donner aux chiens, vous commencez à donner aux cochons, vous commencez à donner, je ne sais pas, aux poules, vous commencez à donner aux canards. Ce que vous avez fait là, c'est tellement très mauvais. Acceptez par amen, même si vous le refusez, ça c'est la parole de Dieu, c'est ce que nous voyons actuellement. Nous les voyons Ndoukou. Et la nourriture, ça va rester. Tu as des problèmes devant Dieu. Parce que tu invites ces gens-là, parce qu'eux aussi, à leur fête, ils vont t'inviter. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est les enfants de Dieu. Bama Chikine va tout en haut. Les pauvres. Mouite la masquine, vous m'avez fait hier. Mouite, balé en cossé, vous m'avez fait hier. Chez tout beau, t'es tout bas tout en haut. On tue par amen. N'est-ce pas, nous le faisons même dans l'église. Même si à Kambo on ne le fait pas. Mais dans nos églises, ça se passe. Il faut que Dieu nous vienne en aide. Que nous puissions quitter dans ces choses-là. D'honorer certaines personnes et mépriser une groupe de gens. Il est naoni makosa mkubwa. Vouloir ou pas. Penda wala pana. Même si vous ne ponctuez pas par amen. Moi, j'ai dit amen. Ça va vous donner la mungu. Ce que nous vous disons, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Ce n'est pas correct. Écoutez. Que je lis d'abord dans Luc chapitre 6, verset 34. Mais vous lisez. Bien que c'est ma vie comme bien. Parce que nous avons beaucoup de choses à dire. C'est ma vie. Talent à mon fan, elle est soirée. Je donne l'exemple qui est verset 34. Et si vous prêtez à ce qui vous espérez recevoir, quel gré vous aurez-t-on? Kama moi mon apenda kongosha paka bale mnawazia sasa batemrudisha sasa mtapatia monini. Prêtez aussi prêtez au péché. Batenda zambi na bosho na kongosha kama batenda zambi. L'appareil. Asi juba na boba potke paka vile manafanya. Amen. Amen. Kama wewe uko na mamoyen si, unapenda kukongwesha paka bale beko na kamoyen et voulez prêter ces mains ceux qui ont des moyens vile, unapenda kuita paka bale beko na mamoyen ça ressemble à ce que on invite les gens qui ont des moyens afin que eux aussi puissent vous inviter à leur fête. Il est chinikosa. Acceptez ou pas, c'est la parole de Dieu. Il faut que Dieu nous aide. Nous ne pouvons pas faire l'acception des gens. Même un homme qui est celui que tu vois qu'il est le plus inférieur. Mais autant Tant qu'il est racheté par le sang de Jésus-Christ, nous devons l'honorer. Nous tous, nous ne serons jamais au même pied d'égalité jusqu'à ce que le Seigneur viendra. Ce n'est pas tout, nous tous qui paierons des véhicules, ce n'est pas nous tous qui construirons des maisons. Ceux qui ont payé des véhicules, c'est Dieu qui les a fait grâce. Ceux qui ont construit, c'est Dieu qui les a fait grâce aussi. Tous ceux aussi qui n'ont jamais construit, c'est Dieu qui le veut aussi comme ça. Le problème, ce n'est pas de construire, ce n'est pas d'être riche de biens matériels, mais il est question d'être riche de la parole de Dieu. Nous croyons. Maintenant, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous le voyons, où nous allons quelque part. Si Dieu voulant, comme on appelle, j'ai voulu même le dimanche. Frère Branham dit, vous pouvez négliger un homme à cause de son accoutrement seulement. Comme il est habillé, vous le regardez et tu vous le méprisez, arrivez même à le critiquer dans votre cœur pour dire qu'il est qui. Alikasi, Nisemakaï. J'avais dit, quelqu'un peut arriver à votre barrière, il toque, tu viens, tu le regardes, c'est un frère, peut-être tu ne le connais pas, parce que nous ne serons pas à mesure de connaître le frère. Vous regardez ce frère, comme il est habillé, et tu lui dis, ce sont des voleurs ici, tu rentres, vous fermez votre portail, et vous faites même semblant, il est dans une cause. Amen. Ce sont des choses qui se passent même dans le message. Dieu nous a déjà lorsque vous 15. Lisez comme la Torah, tout comme Nathan, Dieu savait qu'il y aura des riches, bien sûr, le pauvre aussi. Il a donné des conseils. Il disait à Moïse, comme la Torah, tout comme Nathan, vont lire. Wendembele mushikie vile Biblia kunasema. Aina mii, eh? Verset 7. Si achète-toi quelqu'un indigent d'entre tes frères dans l'une de tes portes, katikati ya banduku yako kama kwa masikini hata milango yako, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, mwinchi leo amilele Mungu anakupatia, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Na awezi kufunga tu mkono yako mbele ya nduku yako mwenye kukosewa, mais tu lui ouvriras ta main, lakini utafungua mkono yako et tu prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Na utampatia kwa ile inaweza kumsaidia kwa mahitaji yake. Garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur, la septième année, l'année du relâche est proche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Na kumwachiria, il crierait à l'Éternel contre toi uficho, sababu, et tu te chargerais du péché. Na weye, utejitwika zambi. Pale ndugu yako anende kona uzunika. Lorsque ton frère est parti tout triste. Aujourd'hui, quel est mauvais. Leo, watu wabaya. Na shebenye ba frère. Et même nous, le frère. Tuko ba escro, nous sommes devenus quelque part les escrocs. Frère anakupokelea tout bien connu. Un frère qui te reçoit dans sa maison. C'est pourquoi. Du komana. Tout frère n'est pas frère. Nduku wote aina nduku. Ba frère bengine ni ba frère. Il y a d'autres frères, ce sont des frères. Mashtopo. Mbeko na shimamisha. Munafika munyumba ya frère na nakurecevoir. Arrivé dans la maison d'un frère, il te reçoit avec heshima yote, anakuheshimisha. Oh, ya kutoka ako na ile heshima nduku alikufanishia. Avec l'honneur que Dieu. Wewe unatoka unaacha mambo munyumba ya frère. Toi tu quittes sa maison, tu laisses tes problèmes. Mon frère c'est un défaut. Ndugu yangu ni mkosa mkubwa. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. C'est que nous vous disons la vérité. Ni kweli. Unalabisha moyo ya nduku yako. Tu as brisé le cœur de ton frère. Ata frère mungine pala tapita kako. Quand un autre frère viendra passer, toi tu as laissé des mauvais souvenirs. Yandukuyako. Et il s'est dit maintenant, le frère que j'avais accueilli dans ma maison, c'est de tout cœur que je l'avais laissé dans ma maison. Mais ce qu'il avait fait dans ma maison, ce n'est pas bien. Le banam dit, lorsque vous marchez, vous allez même chez un frère ou soeur laisser des empreintes correctes. Est-ce que tu vois pas moi? Laisser des bons souvenirs. Souvenir mubaya. Faut pas laisser des mauvais souvenirs. Non frère. Non duku. Ce n'est pas correct. Aina kitu kizuri. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Apana kuya na moyo mgumu. Ne sois pas méchant ou trans. Tu n'es pas compatissant. Kama Mungu anakubariki. Si Dieu te bénit. Tu dois poser la question à Dieu. Pourquoi tu m'as donné ça? Tu as mis une empathie à y. Mungu atakuonesha. Dieu te dira. Una ya kujere bile d'une manière comment gérer le bien qu'il t'a donné. Mungu pourcentage ya. Il y a le pourcentage de Dieu. Mungu pourcentage ya watoto ya Mungu. Il y a les enfants de Dieu. Mungu pourcentage ya familia. Il y a le pourcentage de ta famille. C'est que nous la vérité. Il doit mettre un kweli qui pande qui pande avec la phase. Est-ce que tu ne pas moi? On est ensemble. Tu ne pas moi? Moïse est combattu. Mais on a mambi. On disait à Moïse. Verset 9, garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur. Ujitunge njushko eromba kabisa kwambia na moyo wako. Ende na ye akatumike. Kila yeye usitabaye. Bashinwa be kwa moyo. Mespa ya les Chinois. Na ye atafute kia. Partout on emploie les gens qu'il aille chercher pour manger. Garde-toi toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère. Sotoka. Njushinde kushikia huruma ndugu yako na kusema. Ende lui faire un refit. Na kumukataria. Est-ce que tu ne pas moya? On est ensemble. Écoutez ce que dit la Bible. Mouchkevi. Donnez-lui et que ton cœur ne lui. Et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Kama unampatia moyo wako uzunike, njoo ya ile Mungu atakubariki mu makazi yako yote na mbele yote utafanya. Il y aura toujours des indigents dans les pays. Ni usema muinchi watu wakoseo hawatakosa. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Joko mama nakupatia yam. Tu ouvriras ta main à ton frère. Utafunguria mkono ndugu yako. Pauvre indigent de ton pays. Mwenye ukoseo ule kwa muinchi yako. C'est la Bible. Ni Biblia ndio nasema. Uitike amen. Vouloir ou pas. Ukatale. Ataba malaika kumbiva tasema. Même les anges diront amen. Moi j'ai dit amen, ça va vous donner l'amour. Puisque Mandjuke Nasema, l'exécutif dit, sache que dans les derniers jours, il y aura un temps difficile. Les gens seront égoïstes. C'est un temps difficile. Mais que Dieu nous aide. Je vous avais dit, nous ne serons jamais au même pied d'égalité. Nous aurons toujours des capacités différentes. Il y a ceux qui sont à tel niveau, les autres comme ça, les autres sont comme ça. Et nous avons des différents moyens. Mwakati yote que nous demeurons encore dans ce corps, lorsque Jésus va apparaître, Chibote Pamoja, Chibote, nous serons dans la même pied d'égalité. Kimoya. Amen. Amen. N'est-ce pas, aujourd'hui il y a des autres qui s'habillent en veste de $500, la veste de $100, la veste de $200, un autre va s'habiller de $50 et chéchéri. Mais pour nous les chrétiens, nous nous habillons pas pour l'orgueil, pour s'enorgueillir ou pour apparaître, mais nous nous habillons c'est pour cacher la nudité. Si vous vous habillez correctement, si vous vous appelez d'une manière modeste, aina kuya na manguo ya mzuri sana. Kuya na nini? Ce qui est important, c'est les choses nécessaires. C'est avoir la parole dans nos kuya vies. Na mungu dans les amen. Amen. C'est que nous vous disons, c'est la vérité. Kweli, tu la mambo, niko na sema, ce que j'ai dit, ça se passe réellement. Le cœur mauvais, sans pitié, tout au kenny, nous devons quitter dans l'égoïsme. Tout au kenny, nous devons sortir dans l'acception des gens. Tout nous devons marcher comme des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, les hommes. Même notre langage, même notre vie, nous devons parler comme les enfants de Dieu. Nous devons parler comme les hommes de Dieu. Puisque nous sommes un peuple appelé à sortir. Amen. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont compliquées. Il y a des frères qui ont compliqué la marche de la foi. Ils sont allés vraiment gâcher la réputation des frères dans les maisons. Et ce sont des gens là que j'appelle. Je n'appelle pas des frères. Ils ont freiné l'œuvre de Dieu parce qu'ils sont allés attrister les frères dans leur maison. L'église. Kanisa. Ce sont les gens qui sont sortis. Nibat benyekutoka. Tout ça mais comme les lisons encore autre chose. Bon frère Banam on a ses maïs. Banam dit ceci. Dieu parla à Moïse. Mungu a sema na Musa. Message à Rubir 1950. Il a prêché en 1950. Ni amoule 31 8. Le 31 50. Oh toutes ces types anciens, toutes ces types anciens d'autrefois étaient. Ils étaient juste des ombres. Des choses à venir. Eh bien, je pense que c'était l'église naturelle. Israël. C'était l'église. L'église juive qui était sortie de l'Égypte vers la Palestine, Palestine était l'église naturelle. Le peuple naturel de Taïfa, Dieu qui avait une loi naturelle. Voyez. Une loi naturelle. Voyez. Mais nous aujourd'hui. Si elle est où? Est-ce que tu comprends? Sommes-nous ensemble? Mais nous aujourd'hui, si nous sommes l'église spirituelle Kiro, de Dieu Yamungu, avec une loi. La chérie Moya, une loi spirituelle Kiro, écrit sur les tables de nos cœurs. Conduit sous forme spirituelle. Na ikunongoza muumbo wa Kiro. Alléluia. Ah. Pour Israël. Quoi Israël? Ça arrive. Dieu, Israël, Moïse avait écrit, ce n'est pas Moïse, c'est Dieu lui-même, à la montagne d'Horeb, là où il était parti, Dieu lui a dit, tu dois tailler sur le pied, il a taillé ces pierres-là, et Dieu lui-même, avec ses propres doigts, il est venu écrire la loi. Et on a mis dans l'arche de l'alliance et ils étaient en train de marcher avec l'arche. Lorsqu'il était venu, on prenait ces deux pierres et on lisait les commandements de Dieu. Mais quand tu chies, allez prendre encore des pierres dans l'arche de l'alliance. Mais l'ordonnance ou la loi de Dieu chéria, est dans nos cœurs. Il condamne à mort. Il condamne à mort. C'est dans nos cœurs. Même si je pars à Lubumbashi, là où il n'y a pas de frère qui me connaît, la loi de Dieu est gravée dans mon cœur. Et c'est la loi de Dieu qui me dit ce que je ne dois pas faire. C'est la loi qui cloche dans mon cœur et qui me dit que je ne dois pas faire ça. Et tu es un homme mis à part. Même si vous êtes au salon où on vous traite, salon de coiffure, on vous présente toutes sortes de modèles. Et tu diras que moi je ne suis pas dans les modes. Moi, je me fais les cheveux, c'est pour juste arranger les cheveux, que je puisse un peu être belle. La loi de Dieu, c'est écrit dans ton cœur. Quand tu es par amen, je sais que c'est dire. Mais c'est la parole de Dieu. Eh bien, ils avaient les yeux pour voir à la colonne de feu. On dit Seigneur, mais nous ne voyons pas aujourd'hui. Il arrive simplement quelque chose qui nous fait savoir qu'il est là. Voyez-vous? Nous n'avons pas la colonne de feu physique. Abana. Non. Voilà des wings. Ou la colonne la. Chie, la colonne, colonne de feu. Il est venu pour la ongoza Israël. Chie leo. Ni Romu takatifu. Joy kona tu ongoza. Le Saint Esprit vous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Si vous êtes sauvés. Kama ni chakolewa. Oui, mnyota yu. Toi-même, tu sauras que je suis si sauvé. Comme on a roué à mou, tu sauras toi-même. Selon Romains chapitre 8. Lisons ensemble. Romains chapitre 8. Aroma, verset 14. Uminaïn, la Bible dit ceci. Bien, c'est maïn. Mon gars, tout ça, il dit, frère. Que Dieu nous aide. Tout toque. Quitter, que nous puissions quitter. Kama tu ya toka. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, ni kintu ki aole sana. C'est tellement malheureux. En la sema ivi. Il dit ceci. Verset 14. Nous sommes comme naïni. Car tous ceux qui sont conduits. Ou les autres. Par l'esprit de Dieu, son fils de Dieu. Wenye kongozwa na roho ya Mungu ni batoto ya Mungu. Bale bote bana ongozwa na roho ya Mungu ni batoto ya Mungu. Ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Roho ya Mungu haiwezi kuongoza kuvula mangu. Et Dieu, l'esprit de Dieu peut te conduire à te désirer. D'aller commettre l'adultère. Il est ni mashetani. Ça, c'est diabolique. Mais roho ya Mungu. Mais l'esprit de Dieu t'atuongoza. Nous conduira dans sa parole. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Aina roho ya butubwa. Ce n'est pas un ya kongopa na baloji. L'esclavagisme au point de craindre. Si ya baloji ya tuba ongopa ke. On ne craint pas les autres. Bon Dieu, on a tongopa ke. C'est à eux de nous craindre. C'est que nous vous disons la vérité. Inukweli. Mu Christ wa bawezi kumufinya panchingo. On ne peut pas les étrangler. Expérience yako ni ya bongo. Tu as mal fait ton expérience. Je muloji atafika ku nyumba yako. Maisha yako haina pia. Dans ta maison, ça prouve que ta vie n'est pas correcte. Parce que si toi tu dors, tu ne dors pas seul. Kando ya nyumba yako. Ta maison, huko moja iko na kampe. Un ange qui campe tout autour et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est les sorciers qui ont peur de nous. Chez nous, on a toujours dit que je suis le plus sorcier plus que tout le village. Mais dans ma vie, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit. Dans ma vie, je n'ai jamais demandé de fétiche. Mais au village, les gens pensent que c'est un monsieur qui est très loin. Les enfants de Dieu, appelés à sortir, ils sont en tout cas très loin. Et plus grand que celui qui est dans les morts. C'est lui qui est en eux. C'est lui qui est en nous. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Est plus grand. Ni que les diables. Et même un sorcier n'a pas le pouvoir de te voir. Lorsqu'il arrive chez toi, il va trouver la colonne de feu. Et ce que j'ai dit, je suis devant Dieu et devant le monde entier. Je vous dis que si un homme marche dans le voie de Dieu et il garde la parole de Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de lui et lui accompagne. C'est que nous disons, c'est la vérité. Marchons dans les voies de Dieu. Et les gens se posent même la question. Ces gens ici sont de quelle église? Ils disent telle église là. Et ce sont des gens qui sont très loin. Ils ont vraiment la sorcellerie à un niveau élevé. Leur jumelle, c'est leur jumelle qui n'est pas correct. Mais si ils voyaient correctement, ils devaient voir du côté de l'église du Seigneur, Jésus lui-même est devant. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas vous mentir. C'est la vérité. Que Dieu nous aide. Dieu, il est le Dieu de sa parole. Et Dieu, il honore ce qu'il honore. mwishimiye Mungu. Donc vous n'honorez pas Dieu. Et Dieu va te mépriser davantage. C'est la vérité. Kama kuko mtu anapasha kuheshimia Mungu. Si il y a les gens qui doivent honorer Dieu, c'est nous ici. Je vous dis la vérité et je vous le jure devant le Seigneur. Si nous craignons Dieu, nous le craignons, nous gardons sa loi, Dieu nous aidera dans la marche. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Lisons d'abord la Bible. Maintenant, dans les versets 16. Dieu qui prie, moi qui a coué mon yeux. Et, là où vous allez et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, yo inye, una tu ina te chou dia kumo ye torsema tu watoto amung. Shimoji gamin. Donc tu es par la même. Royamung. L'Esprit de Dieu lui-même. Ikona shudi. Rend témoignage à notre esprit, à ton esprit quand tu marches. Na royako. Tu avais dans ton cœur, dans ton esprit. Inachikisha kusema. Et l'Esprit de Dieu confirme que tu es enfant de Dieu. Toi-même, tu sauras que je suis un enfant de Dieu. Kama una mtoto wa Mungu. Si ce n'est pas le cas, royako. Ton esprit te témoigne aussi, tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. La vie chrétienne, l'homme lui-même, son cœur témoignera de dire que là je suis chrétien, je suis déjà sorti. Si tu n'es pas encore sorti, ta conscience te dira encore que là, ça, sur ça, à ce point, tu es encore là. Même si on dit quelque chose, tu peux refuser ici, mais ton cœur te dira là, toi tu connais. L'Esprit rend témoignage. Il y a quoi que je vous dis, esprit que nous sommes enfants de Dieu. Assez ma tout tout amour. N'a pas le qu'on a tembé, on a chia ouais mounier. Et quand tu marches toi-même, comment on a tembé, comme on mangeait, tu marches dans des voies correctes. Et ton cœur confirme cela. Où t'as c'est pas bien quoi, il m'a dit, je n'ai pas aidé. Certainement, Dieu m'a déjà aidé. Si Dieu n'a pas encore aidé, tu sauras que là, je ne suis pas encore sauvé. Gloire ou pas, l'Esprit lui-même rend témoignage. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Or si nous sommes enfants de Dieu, ja, pourquoi tu vas tout amour? Nous sommes aussi héritiers. Nous sommes la suite qu'ouvrirti. Héritiers de Dieu. Non, héritiers amour. Et co-héritiers de Christ. Non, héritiers pas moi la Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifié avec lui. Vous dites pas de vous tout cousonai. Amen. L'Esprit de Dieu rend témoignage. Il a choudi. Et qu'on a touché. Témoigne à notre cœur. Que nous sommes sortis. Comment et si ce n'est pas le cas, mania, le mauvais penser demeure encore. C'est encore là. Voilà pourquoi tu aimes les mots. Montre-moi mon message. Mais qu'on a souffri. Mais on a tué soi. Message n'est qu'un truc qui m'a. Si le message. C'est vraiment une barrière. Des modes actuels sont sortis. Il y a des choses qui nous manquent. Une dame disait les choses qui viennent de sortir. Nous autres, nous avons déjà vieilli. Nous avons raté. Si on pouvait nous rajeunir, j'allais aussi me rajeunir. Et même si se rajeunissait, la jeunesse, c'est de la vanité. Frère, c'est pourquoi moi dit Yana. Pourquoi vous les jeunes? Moi wakati yenye kwa mubaya. En cet âge mauvais. Marchons comme les enfants de Dieu. Sortons dans les choses. Tout auquel ne m'oublie tu as donné. Dans 2 Timothée, écoutez ce que dit la Bible. Timothée a pire, mouchke vle Timothée en sema. Roya Mungu, ikona tushuhudia. L'Esprit de Dieu témoigne à notre cœur. En sema hivi. Il dit ceci. Dans Timothée, chapitre 2. 2 Timothée. Timothée a pire sur la capitale. Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. kimbia matama buyana et rechercher la justice na la foi la charité imani la paix salama avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur na moyo safi kimbia buyana fuyez le passion de la jeunesse tafute waki cherche imani la justice ma pendo salama na bale bote beko na iti anjina ya bwana na moyo safi ono du Seigneur avec un cœur pur. Dans la jeunesse il y a beaucoup de choses mubuyana mubitu amini ya pitikana ata binti même jeune mambo ya byakwe dans la jeunesse mambo munene ça. Kama unabe si vous prenez votre miroir, vous mirez comment tu brilles encore. Beauté, paquet ya mavigno. C'est vraiment un tas des asticots. Ate uko beauté. Même si tu es joli, beau. Les iko na kudanganya. Le miroir te trompe tellement. Kalashi mzuri, c'est la Bible. Le miroir correct. Qui nous montre où nous venons et où est-ce que nous allons. C'est ça. Joy. Le miroir de Dieu. Kio et amour. Et qu'on a tout honné. C'est là nous montre. Là où nous sommes arrivés. Et qu'on a tout c'est là nous montre correctement. Ne regardez pas à la jeunesse. La jeunesse. Ni boule. Ce n'est rien. Ne gonfle pas, n'est-ce pas nous aussi, nous étions jeunes, mais nous avons donné notre jeunesse pendant que nous étions encore enfants. Des années, nous avons passé dans les messages. Ce n'est pas aujourd'hui, Aïna Léo, que j'ai pu abandonner la parole de Dieu, retourner dans le monde. Qu'est-ce que je vais gagner dans le monde? Il n'y a que des déceptions et la souffrance. Je ne peux pas accepter de laisser la parole de Dieu. J'étais à mourir. Je vais mourir avec la parole. C'est que vous aussi la vérité. Qu'est-ce que je vais gagner encore dans ce monde? Avec 66 ans, retourner encore dans la modernité pour gagner quoi? Que Dieu bénisse. Même vous aussi. Dieu a des témoins à Chouda. Ceux qui ont sacrifié leur jeunesse, ils se sont attaché à la parole de Dieu. Quitter dans cette histoire de jeunesse. Quitter dans la jeunesse. Accepter de sortir. L'église, nous, ce sont des gens appelés à sortir. Les hommes, en tout cas, séparés. Totalement. Ils sont dans l'église du Dieu vivant. Écoutez, c'est le frère. Lisons un peu autre chose. Il dit ceci. Maintenant, ça, ça. Et tout ce qu'il était. Eh bien, Muzuri. Ils étaient le peuple de Dieu. Par quoi Israël là. Israël. En Égypte. Mlomiste. Était le peuple de Dieu. Pourquoi jusqu'au moment où Fika, ils ont sorti de l'Égypte. Non, quand ils ont se sont dirigés vers la terre promise. Quand ça couvre dans alors, ça, ça. Ils ont devenu l'Église de Dieu. Nous on a couru Kanisa Mungu. Les mots Église. C'est Mukanisa. Veut dire manake. Les appeler à sortir. J'aime cela. Mina penda ile kabisa. Les séparer. Benye kutengana. Dieu a dit. C'est par moi, Paul et Barnabas, pour lesquels je les ai appelés. Écoutez ce que dit Frère. Eh bien, l'église aujourd'hui, beaucoup d'entre elles cherchent ce qui mélange. Mais on a peine à mi tchango. Veulent un peu du mélange. Vous allez dans l'église 30e. Une femme en pantalon. Elle est habillée en pantalon. Et elle chante là-bas avec une belle voix. Et on dit celle-ci, elle est arrivée même au ciel. Qui a une belle voix. Mais quand vous regardez sa vie, j'étais chanté. Ne vous amènera jamais au ciel. Ce qui va vous amener au ciel, c'est lorsque vous êtes né de nouveau. Vous avez le Saint-Esprit. C'est alors que vous devenez candidat pour le ciel. Il doit bien nous couvrir. C'est comme ça dans les églises. Là, on ne voit que les gens qui ont des moyens. On lui cherche des titres parce qu'ils ne veulent pas qu'ils puissent quitter l'église. Mais la Bible dit ceci. Viens à Semaïf. Tous ceux qui sont en train de me suivre, ce ne sont pas des titres qui nous amèneront au ciel. Dans Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, la Bible dit que sorte du milieu de mon peuple. Que Dieu nous aide. Que je puisse terminer d'abord la pensée. Et continue. Les églises aujourd'hui, beaucoup d'entre elles cherchent ce qui mélange. Quelqu'un qui peut mélanger. Peut-être faire un peu de ceci et de cela. Un peu de récréation. Sortir un peu, pour détendre. C'est ce qu'ils aiment. On a toujours dit. Chez nous à Pâne, c'est dans cette église réellement on prêche, mais cette église-là, ils ont beaucoup de recommandations, des obligations. Mais depuis Myriam, moi, depuis que j'écris, je ne vois pas. Mais si on est qui gît la frère, je ne vois pas des interdits. Dieu nous a déjà aidé. C'est dans ces choses que nous étions. Dieu nous a aidé. Il est capable d'ôter même les péchés. Alléluia. Dieu, il est capable. Ne dis pas ce que Dieu avait fait. Il avait ressuscité Lazare. Moi, ça ne m'inquiète pas. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup et ce qui m'étonne et ce qui le bon truc que Dieu a fait, moi, ni t'étais la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on pouvait dire que ce n'est pas seulement moi, même toi aussi. Si tu regardes réellement ta vie, comme quand tu n'es pas amour, tu ne devais pas être là aujourd'hui. Nous pouvons lire. Tous ces gens ici qui sont malnutris avec l'alcool, n'est-ce pas, tu étais du nombre, mais tu n'as pas fourni les efforts pour être ce que tu es aujourd'hui. C'était la grâce de Dieu. Même à tu amour. C'est que c'est la vérité. Parmi nous, n'est-ce pas, il y avait même des prostituées. Tu faisais partie du nombre mais des prostituées. Mais quand même tu as mon Dieu, comme il te connaissait, et comme Dieu t'avait élu, il t'a donné, accordé la grâce de quoi on message. Accepte la grâce de Dieu. Reste dans la grâce de Dieu. Amen. Amen. Faut jamais se moquer d'une prostituée à la cité. Parce que tu n'as pas fourni les efforts pour être ce que tu es. Ce n'est pas toi qui as fait des efforts. Ce n'est pas nous qui avons fait des efforts. C'était la grâce de Dieu. Quel est le nom de Dieu? Nanjina Mungu, il parle aussi fille. Aujourd'hui, tu es devenu une bonne soeur. Tu es devenu un bon frère. Tu gardes même ta maison. Oui, frère. Ndi Onduku. La grâce de Dieu. Comme amour, va méditer sur ce que j'ai dit. Et tu sauras que réellement c'était la vérité. Est-ce que tu peux pas on est ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous arrêtons par ici aujourd'hui. Nous allons continuer par la grâce de Dieu. Mais je vous avais dit, si c'est la volonté de Dieu, on va incliner nos têtes. Les gens aiment des récréations. Mais dans la parole de Dieu, à tout l'enfant, dans la parole de Dieu, nous travaillons tel que Dieu nous a autorisé de faire. Et nous marchons. Et nous avançons devant. Mwenye kusiki ya kuja kwake Yesu, yeye ni Mungu.